la pause interview sur Radio Côte Basque avec la rubrique spéciale Esprit vivant. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Cédric Sampéré, créateur d'Artis Mental, toujours au micro de Bruno Fleury. Bonjour, bonjour Alain, bonjour Cédric, bienvenue dans Esprit vivant, votre émission dédiée aux parcours inspirants et aux initiatives engagées sur notre territoire. Effectivement, aujourd'hui nous recevons Cédric. Cédric est formateur en premier secours en santé mentale et spécialiste de la prévention du harcèlement numérique. Bonjour Cédric, merci d'être avec nous. On parle de plus en plus de la santé mentale, mais qu'est-ce que cela signifie concrètement aujourd'hui ? Bonjour et merci pour cette invitation. Alors, la santé mentale, c'est quelque chose de très très large, hein. On en parle beaucoup depuis quelques années. Si on pouvait la définir, ce serait un état de bien-être qui nous permet de faire face aux aléas de la vie. C'est un enjeu finalement capital pour les familles, pour les entreprises, pour les établissements scolaires, cette santé mentale. Dans le cadre de formation en premier secours en santé mentale, comment tu interviens dans ces formations ? Oui, alors c'est des formations qui sont très chartées, hein, par PSSM France. C'est 2 jours de formation et aujourd'hui, je propose cette formation essentiellement aux professionnels des institutions médico-sociales, dans les mairies, dans les entreprises, pour les faire monter en compétences, pour pouvoir repérer, un petit peu comme il y a les premiers secours physiques, et bien de savoir comment on peut faire quand une personne déclenche des signes de mal-être, de souffrance, de dépression, d'idées suicidaires, et trouver les bons mots et la bonne façon de les accompagner vers une démarche de soins. Faut-il être majeur pour participer à ces formations ? Oui, tout à fait. Il faut avoir au minimum 18 ans. Il n'y a pas de prérequis particulier parce que c'est une formation citoyenne. Donc n'importe qui peut participer à ces formations. Et finalement, peut-on vraiment apprendre à porter secours au même titre qu'on pourrait porter secours sur un accident de la route ou sur un secours physique en santé mentale? On est à peu près sur la même chose? Oui, tout à fait. Alors, quand on fait des premiers secours physiques, on devient père-gentiste. Hein, et là, c'est la même chose. On ne devient pas psychiatre, on ne devient pas psychologue, mais on a des outils pour pouvoir repérer les signaux faibles et savoir quoi faire pour orienter la personne vers une démarche de soins. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les lycées notamment, ou dans les écoles avec des jeunes majeurs qui se dirigent au métier dans l'entreprise, on leur demande de passer des formations, le BSR pour conduire un scooter, différentes formations. Il n'y a rien qui existe, ou quelquefois le PE, les premiers secours normaux, mais il n'y a pas de formation obligatoire en santé mentale. Et c'est un peu regrettable, parce que ce serait très utile pour ces jeunes qui arrivent en entreprise, non ? Oui, tout à fait. Et puis, avec mon expérience passée, j'ai vu des parents aussi, d'adolescents qui étaient en grande souffrance et qui ne savaient pas comment accompagner leurs enfants. Et cette formation peut les aider parce qu'il y a deux volets. Il y a un volet PSSM standard pour tous les adultes et un PSSM jeune en direction des professionnels et des parents qui accompagnent des adolescents. Donc, c'est des choses vraiment intéressantes qu'on aborde. Et à chaque fois que les gens participent à ces actions, ils sont contents parce qu'ils arrivent à se sentir plus sereins par rapport à des situations de mal-être. Et si tu pouvais en quelques mots dire comment repérer justement quelqu'un qui va pas bien dans cette formation, on apprend hein, à tendre la main, à partager, à partager la parole, mais il y a quelquefois des signaux qui montrent que la personne va pas bien. Est-ce que tu peux en parler un petit peu ? Oui, tout à fait. Alors, il faudrait 2 jours pour balayer la formation, oui, mais sûr. Là, des petits tips un peu comme ça qui sont éclairants. Si à un moment donné, il y a un changement de comportement, il y a l'intensité du mal-être qui augmente et qui s'installe dans le temps, on a ces 3 critères-là qui sont assez repérables et qui doivent alerter. Et ça, c'est les parents, hein, quelquefois, les parents auprès de leurs enfants. C'est pas facile avec des enfants adolescents, quelquefois, de voir qu'ils vont pas bien. Mais effectivement, on peut repérer aussi, peut-être dans le comportement. Tu as longtemps œuvré, toi, avec les ados, et c'est ton métier de cœur aussi. Oui, tout à fait. Et tu connais bien, donc un petit conseil pour les parents, là, sur des enfants qui sont un petit peu perdus là, en ce moment. Oui, bah, alors je dirais pour des parents, déjà, qu'il y ait de l'écoute. C'est la première des choses qu'ils évitent d'interpréter ce que leur enfant leur dit. Souvent, les parents disent « je sais ». Non, vous ne savez pas ce qu'il vit. Donc, c'est le questionner, c'est lui offrir un espace où il va se sentir en sécurité. pour pouvoir échanger. Et si on n'est pas la bonne personne, lui trouver des relais à l'extérieur, parce que parfois, mais pour des ados, c'est difficile de parler avec leurs parents. Oui, complètement. Donc il faut trouver des espaces ailleurs. Et ces espaces, ils existent. Hein. Il y a plein d'associations, il y a plein d'endroits où on peut, oui, tout à fait. Même en tant que parent, aller prendre conseil. C'est ça qui est important. Bien sûr, tout à fait. Oui, tout à fait. Il y a les maisons des ados, il y a les PAEJ qui existent sur le territoire. Donc ça, c'est sur les espaces physiques, mais aussi en numérique. Il y a des espaces, il y a le Fil Santé Jeune qui existe aussi, qui est une belle plateforme. Et il y a les promeneurs du net parentalité aussi, qui sont un outil pour les parents, pour échanger et se rassurer avec des professionnels formés à l'adolescence. Est-ce qu'il arrive que tu fasses des formations justement auprès du corps enseignant, par exemple, qui eux ont des élèves quelquefois jeunes majeurs et qui pourraient être un relais aussi également? Oui, tout à fait. Mais dernièrement, sans divulguer quoi que ce soit, j'ai accompagné des enseignants qui étaient très inquiets parce que le public qu'ils accompagnaient est en grande souffrance. Oui. Et il y avait beaucoup de questions pendant ces 2 jours de formation. Ils ont vraiment appris beaucoup de choses, et dès le lendemain j'ai reçu des mails en me remerciant parce que la formation les avait aidés à repérer un jeune, et ils n'osaient pas lui poser les questions, lui dire les choses, et en fait après la formation ils ont réussi et il y a eu une démarche de soins, il a pu être hospitalisé et il était soulagé. Ce qui est intéressant dans cette formation, j'ai l'impression, c'est que finalement tu leur mets un petit peu ces gens que tu as en formation une caisse à outils dans les mains, et dans la caisse à outils il y a quelques clés, qu'ils sachent utiliser ces clés à bon escient, oui, au bon moment avec les gens qu'ils accompagnent, c'est surtout ça. Hein. Oui, tout à fait. Et puis il y a un plan aéré que pendant 2 jours, c'est quelque chose qu'on travaille avec les participants. Et sur la chose sur laquelle moi j'insiste beaucoup, c'est le approcher, c'est comment on va approcher la personne. Et ça, souvent, c'est pas pensé, on le fait un petit peu comme ça, la va vite. Oui. Et c'est ça qui est important, c'est comment on va préparer ce temps-là pour pouvoir accueillir la personne de la meilleure des façons. Oui, et ce temps-là, justement, il est très important hein, d'y aller. On ne peut pas y aller un petit peu les deux pieds dans le même sabot. Il faut y aller un petit peu avec, c'est assez technique d'ailleurs, y aller vraiment avec les bons mots, la bonne façon, la bonne posture aussi, parce qu'il y a quand même cette notion de posture en santé mentale quand on s'adresse à quelqu'un en souffrance qui est importante. Je ne sais pas si tu me rejoins un petit peu là-dessus. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a la posture physique, il y a les mots qu'on va employer, il y a le ton. Donc tout ça, on le travaille pendant 2 jours où on l'aborde. Voilà, comment on va parler à une personne qui est en souffrance et comment on va agir, comment on va mettre en place une écoute active. Mmh. Et puis comment on peut créer du lien, de l'empathie pour que la personne se sente rassurée, qu'elle puisse aborder les difficultés qu'elle rencontre. Oui, c'est ça, c'est la notion de confiance entre celui qui va apporter le premier secours et la personne qui le reçoit, elle est vraiment très, très importante hein, dans ce cas-là. Et puis, tu as une autre casquette, si je puis dire, mon cher Cédric. Tu es créateur de Artis Mental 64. Alors, Artis Mental 64, c'est lié au harcèlement numérique. Et tu interviens aussi sur le harcèlement numérique. Est-ce que le phénomène explose vraiment? Alors, je ne sais pas s'il explose vraiment. En tout cas, j'ai beaucoup travaillé sur le harcèlement de façon générale, en physique et numérique. Oui. Et c'est vrai qu'il y a vraiment un lien très étroit entre les deux. Entre le harcèlement physique qui se passe souvent à l'école ou dans les activités, et dans l'espace numérique où il se prolonge bien souvent. Et oui, c'est quelque chose qui est inquiétant, mais en même temps, il faut, comme pour le reste, il faut accompagner les parents, les adolescents à comprendre les risques qu'il y a, comme quand dans l'espace physique, on accompagne son enfant à traverser la rue, il faut lui apprendre sur l'espace numérique à faire attention aux personnes qui sont malveillantes, aux faux comptes, à plein de choses dans lesquelles on peut se retrouver en grande difficulté. Ce cyberharcèlement est particulièrement dangereux quand même pour certaines personnes qui n'ont pas ces connaissances-là. Oui, tout à fait. Dès qu'on a un peu de vulnérabilité, on peut vite se faire attraper par des personnes malveillantes hein, et qui vont peut-être nous demander des photos, de l'argent, des vidéos. Il va y avoir du chantage, il va y avoir des menaces. Tout ça, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Mais qu'il faut apprendre à contrôler, à repérer pour les jeunes et les faire monter en compétence là-dessus. Quels signaux, encore une fois, quels signaux d'alerte tu pourrais donner aux parents et aux professionnels pour qu'ils repèrent justement ces signaux de harcèlement? Il y a vraiment pas mal de conférences autour de ça là, en ce moment. Oui, tout à fait. Et c'est important de si tu avais un ou deux petits signaux. Oui, bien sûr. Alors, De toute façon, le harcèlement ou le cyberharcèlement, ça va agir sur les relations sociales. Donc peut-être qu'il va s'isoler, il va arrêter d'aller dans les activités extérieures. Il va sûrement avoir des troubles du sommeil, de l'irritabilité. Alors, on peut l'avoir aussi à l'adolescence, mais tous ces facteurs réunis, c'est des choses qui sont importantes. Et puis, si c'est quelque chose autour des réseaux, il peut y avoir aussi une crainte à un moment donné quand le téléphone va sonner, quand il va y avoir une notification. Donc, peut-être qu'il va désinvestir l'outil. Donc voilà, tout ça, c'est des petits signes aussi de voir un petit peu comment il va se situer avec l'outil, avec l'écran. Ouais, je crois que ce qui est important aussi, c'est que l'ado soit en confiance avec les parents et que les parents n'y ait pas de notion de punition parce que le téléphone sonne, etc. Parce que lui, déjà, il peut être traumatisé aussi par ça, hein, par ce harcèlement. Si en plus vient la posture parentale qui punit derrière parce que y a le téléphone qui sonne ou un bip ou un truc, c'est encore plus dramatique pour le jeune. Oui, je crois que c'est important de comprendre aussi l'utilisation qu'ont les jeunes de l'espace numérique et de pouvoir les aider, les comprendre, parce que bien souvent, on a nos représentations à nous d'adultes et le fonctionnement des ados est complètement différent et il faut échanger. Et voilà, quand on est parent, peut-être le petit conseil que je donnerais, c'est intéressez-vous à ce qu'ils y font. Sur les écrans, partager avec eux. Oui. Parce que bien souvent, on leur donne l'écran quand ils rentrent au collège, 10-11 ans, et puis on commence à s'intéresser ou alors on est embêté vers 16-17. Mais ça fait 5 ans qu'ils sont tout seuls dessus. Donc voilà, il faut d'entrée les accompagner, regarder avec eux ce qu'ils y font et les faire monter en compétences aussi. Eux, ils vont avoir des compétences numériques parce qu'on dit les générales natives, mais ils ne sont pas plus intelligents que n'importe qui sur les écrans. Ils ont quelques habitudes et nous, on a des valeurs, on a des choses qu'on peut repérer et avec les deux, on peut faire des choses vraiment intéressantes. Effectivement, c'est difficile. Souvent, ils sont ces jeunes, ils vont beaucoup plus vite que leurs parents ou accompagnateurs, hein, sur les écrans. Ils ont compris comment un petit peu passer les limites et les barrières, choper des comptes, annuler des mots de passe. Ils sont très forts. Ils ont souvent un coup d'avance. Mais bon, on se rend compte que par exemple, hein, des jeunes qui se font des amis, ils disent ouais, j'ai un pote, en fait c'est quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu et ils sont sur TikTok ou je ne sais quel réseau et ils donnent un rencard, mais finalement derrière ils ne savent absolument pas qui c'est et ça c'est extrêmement dangereux. Oui, tout à fait, et c'est pour ça qu'il faut aussi comme dans l'espace physique, leur dire tu vas pas aller rencontrer n'importe qui. Alors oui, ils vont rencontrer quelqu'un sur l'espace numérique et ils vont avoir un centre d'intérêt commun, ils vont échanger. Mais derrière, voilà, si après il y a une rencontre dans l'espace physique, surtout si c'est avec des jeunes, voilà, de faire attention ou d'accompagner. Et plus il y aura de confiance entre les parents et l'adolescent, plus il pourra en parler aussi, ne pas y aller seul. Voilà, c'est des petits conseils aussi. Si, de toute façon, si on ne fait pas avec eux, ils feront sans nous. Donc l'idée, clair. C'est de les accompagner le maximum et de leur donner des outils pour que, à un moment donné, si ça arrive, de leur dire, tu ne vas pas tout seul, tu vas avec quelqu'un et vous faites attention et vous faites ça dans un espace public. Et voilà, et toutes ces petits conseils comme ça, de pas échanger d'argent, s'il y a des menaces d'alerter, de prendre des captures d'écran, si à un moment donné il y a des insultes, des moqueries, voilà, toutes ces menaces autour de l'argent aussi, faire des captures d'écran parce que là, il y a des preuves. Oui, bien sûr. Et à ton avis, enfin, tu dois le voir sur le terrain, les jeunes sont-ils réceptifs justement à ton discours, à ces formations, à cette utilité de comprendre que cet outil numérique est bien sûr formidable, mais aussi formidablement dangereux quelquefois. Oui, ils sont assez critiques. Hein. Je vous invite à lire Jocelyn Lachance là-dessus. Oui. Ils sont très critiques et ils sont lucides de ce qui se passe, mais ça n'empêche pas que le cerveau de l'adolescent, il est en construction et que la phase qui est la plus développée à l'adolescence, c'est les émotions. Donc même s'ils ont pris du recul parce qu'ils ne sont pas dans la situation, quand ils sont dans la situation, c'est les émotions qui gèrent et là, ils risquent d'être débordés par tout ce qui se passe et parfois, ils n'ont pas cette lucidité de dire « Oh, là, ça va trop loin, stop ». Et ça, parfois, ils vont se planter. Ouais, c'est fou hein, quand même. En fait, dans ton parcours, c'est intéressant que tu nous dises à quel moment tu as fait la bascule et tu t'es dit, tiens, le harcèlement, c'est un sujet tellement important que j'ai envie de créer quelque chose. Ouais, alors ça remonte un petit peu. C'est en 2015, avant qu'il y ait tous ces phénomènes-là, ces choses sur lesquelles on avait travaillé sur la maison des ados. Et on s'est dit, mais il y a vraiment quelque chose à faire. Et ce qu'on s'est aperçu aussi, par rapport aux jeunes, tu disais tout à l'heure, tu me demandais par rapport aux jeunes s'ils étaient réceptifs. Ils sont réceptifs, mais en fait, aujourd'hui, les actions qu'on leur propose, c'est de la morale. Et ils n'en peuvent plus. Le harcèlement, ils n'en peuvent plus. Ça. Mais c'est des comportements dans les relations humaines. Et comment on va faire avec ça? Donc, on essaie de l'aborder du côté des compétences psychosociales. Comment on peut se positionner? Comment on peut dire non? Comment on peut avoir un esprit critique? Et le transférer après sur l'espace numérique. Mais on est sur la dynamique de groupe, hein, tout simplement. Hein. Le harcèlement, le cyberharcèlement, c'est de la dynamique groupe qu'on apprenait quand on était en formation d'éducateur spécialisé. C'est ça. Et c'est la même chose, sauf que les espaces ont changé. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on a développé en 2015 et puis qu'on a exploré, on est monté en compétences aussi, le numérique est arrivé aussi et on a vu comment il s'est transféré dans cet espace-là. Et si nos auditeurs aujourd'hui avaient peut-être quelque chose à retenir, c'est peut-être accompagner les jeunes surtout. Et puis si jamais ils découvraient des pratiques complètement frauduleuses, il y a des numéros spéciaux. Est-ce que tu peux nous donner notamment un numéro sur lequel on peut tout à fait. Alors harcèlement, cyberharcèlement, 3018. C'est vraiment le numéro référence CI Enfance qui gère ça. Et vous pouvez les contacter en tant que personne harcelée, parent. Même les professionnels peuvent les contacter, signaler une situation. Et eux, derrière, ils se mettent en lien aussi avec les réseaux sociaux pour bloquer les messages et voir un petit peu ce qui se passe. Ça, c'est un numéro qui vient de la CNIL. C'est ça dans cette. C'est une association qui s'appelle CI Enfance et qui a ce. Ce dispositif-là qu'il a établi sur toute la France et c'est un numéro national. Ouais, 3018, c'est vachement important. Hein, 3018, même si vous avez un camarade, un copain, si vous nous écoutez, que vous voyez en difficulté, n'hésitez pas. Hein, 3018, au moins, même si vous ne dénoncez pas, vous pouvez peut-être prendre conseil. Ce sont vraiment des spécialistes en la matière et c'est vachement, vachement important. Et pour toi-même, pour Atis Mental 64, on a envie de faire cette formation de premiers soins en santé mentale. On a envie de te contacter sur le harcèlement. Où est-ce qu'on peut te contacter, Cédric? Ouais. Alors, on peut me contacter sur artistmental64@gmail.com où j'ai mon adresse mail. Et après, j'ai un Linktree aussi dessus. Sur LinkedIn aussi, on va me retrouver sur artistmental64. Et voilà, en gros, vous pouvez me recontacter là. Et puis après, il y a des formations qui sont ouvertes sur des structures qui sont ouvertes aussi au grand public. Et ça, vous pouvez les retrouver aussi sur PSSM France où il y a toutes les formations qui sont faites sur le territoire parce que je ne suis pas tout seul à former. On est plein de formateurs sur le territoire et peut-être que les gens pourront trouver chaussures à leurs pieds. Ouais, tu accompagnes aussi l'APESA, non? L'APESA, c'est l'aide aux chefs d'entreprise. Je sais qu'il y a des sentinelles dans le coin. On a reçu le responsable de l'APESA récemment. Effectivement, les sentinelles sont formées au premier secours hein, et ouais. C'est vachement important aussi. Cédric, merci vraiment merci de cet vous. Échange engagé. La santé mentale nous concerne tous. Dans Esprit Vivant, nous sommes très fiers de pouvoir relayer ces messages et de pouvoir recevoir ces nombreux interlocuteurs qui vous apportent un des conseils, mais deux, du soin. Merci beaucoup. Et si vous aussi, vous avez un sujet qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à venir au micro, prenez contact avec nous sur les réseaux sociaux, Facebook ou Insta, et également par mail à radiocotebasque@gmail.com.